go to not so town innocent. La machine est lancée, des circuits programmés. A minha vida não é tão importante. Elle est si pleine d'artifices, de messages si désuets, si désuets. Un couloir est trop pour toi, des pièces mal agencées. Quelle porte faut-il ouvrir pour me libérer? Já passou, não há mais nada a esperar. Sabe-nos si sur de croire à nos pseudo-histoires. Estou à procura de encontrar un navio de la Wimé, je préfère voir. Jamais croire. Ces murs sont fissurés, je me sens dépassé. Qui devrais supplier pour venir m'en